dernière émission de la saison, nous avons mis les petits plats dans les grands. Nous recevons aujourd'hui l'un des plus grands auteurs de science-fiction contemporain qui est avec nous en duplex depuis Toronto au Canada, lauréat du prix Hugo, le plus grand prix de la SF internationale et du grand prix de l'imaginaire pour Spin en 2005. Son dernier roman, La Cité du Futur, vient d'être traduit en français chez De Noël. Il y est question de voyage dans le temps, d'univers parallèle, de thèmes récurrents dans son œuvre. Quel est son rapport à la science? Quel regard porte-t-il sur la science-fiction aujourd'hui? Comment se construisent ces univers et quels sont ses projets pour l'avenir? Robert Charles Wilson est notre invité pour l'heure qui vient. Bienvenue dans ce dernier numéro de La Méthode Scientifique. Et bonjour Robert Charles Wilson, hello. Hello. Vous êtes en duplex depuis le Canada, depuis les locaux de nos confrères de la CBC à Toronto. Mille merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes vraiment ravis de conclure cette saison de La Méthode Scientifique en votre compagnie. C'est Xavier Combes qui va assurer l'interprétation simultanée. Et vous pouvez, comme chaque jour, suivre cette émission en direct sur le fil Twitter de La Méthode Scientifique, @laméthodefc. Mais avant de retrouver Robert Charles Wilson en duplex depuis Toronto au Canada, c'est le dernier journal des sciences de la saison. Bonjour Xavier Martinet. Bonjour Nicolas. Le journal des sciences. C'était la polémique de ce début de semaine, mais l'ambiguïté est apparemment levée sur les intentions du gouvernement français au sujet des néonicotinoïdes. Pourtant, je l'avais répété, ces pesticides qui tueraient donc les abeilles et dont l'interdiction est en train d'être débattue en ce moment par le Parlement européen. Tout à fait, comme celle des perturbateurs endocriniens. D'ailleurs, je parle des deux, puisque que ce soit néonicotinoïdes ou perturbateurs endocriniens, c'est bien sûr pas le même mode d'action. Les uns agissent sur le système nerveux, les autres sur le système hormonal, mais c'est en ce moment le même problème sanitaire et le même combat politique. D'abord, les néonicotinoïdes sont utiles à l'agriculture, évidemment, en traitement préventif, mais ils détruisent, maintenant c'est prouvé, les abeilles et tout l'environnement autour à polliniser, et les oiseaux prédateurs, évidemment. En 2016, la France avait interdit tous les néonicotinoïdes, mais laissait entendre qu'elle pourrait revenir sur sa décision pour des raisons de concurrence. En début de semaine, apparemment, il n'en sera rien. Alors, du côté du ministère qu'on a contacté, il n'y avait pas d'interlocuteur disponible. Du côté de l'Union européenne, par contre, elle avait interdit trois de ces néonicotinoïdes, mais la situation n'est toujours pas réglée, puisqu'une tentative d'assouplir les règles a échoué au Parlement européen le 22 juin. La pression industrielle reste forte pour éviter au maximum des critères trop stricts et donc une interdiction complète, comme pour les critères qui doivent encadrer les perturbateurs endocriniens. Donc, en fait, un vote que les ONG présentent comme crucial doit avoir lieu à la Commission mardi prochain. Écoutez ce qu'en dit la députée européenne et Europe Écologie Les Verts, Michèle Rivasi. Elle est justement membre de la commission Envie qui avait rejeté l'assouplissement sur les néonicotinoïdes. C'est deux choses différentes. Les néonicotinoïdes, il y avait un moratoire sur 2 ans. Le Parlement a voulu aller au-delà du moratoire pour l'interdiction de 3 néonicotinoïdes. La France a dit, c'est pas que 3, c'est tous les néonicotinoïdes qui sont employés dans l'agriculture et qui sont en train de tuer nos abeilles. La France est leader là-dessus puisque sa position, c'est l'interdiction et elle pousse la Commission européenne à aller au-delà, vous voyez, de l'interdiction des trois. Et puis, il y a un autre chapitre qui sont les perturbateurs endocriniens. Et le 4 juillet, c'est est-ce que la France, est-ce que d'autres pays vont accepter la définition de la Commission européenne? Et le Parlement, certains États membres comme le Danemark, la Suède et la France jusqu'à ce jour est très, très réticent pour accepter cette définition. Parce que là, les États membres, s'ils adoptent la proposition de la Commission, il va y avoir des dérogations très importantes sur les pesticides, qui sont des perturbateurs endocriniens pour les insectes. Et l'Allemagne est un pays qui voudrait qu'on enlève la notion de perturbateur endocrinien sur les pesticides, qui est complètement aberrant. Parce que, au lieu d'interdire, mettons, une centaine de substances, on en interdira seulement 4 ou 5. Et les épidémies de cancer qu'on observe, elles continueront à se passer au niveau de l'Europe. Voilà, et la Commission européenne, elle votera définitivement sur la définition des perturbateurs endocriniens mardi prochain, un classement qui tarde à venir, Xavier. En effet, puisque les premières études scientifiques ont déjà des années, en fait, tout le problème vient du fait qu'on ne peut pas encore prouver de lien direct et exclusif entre la présence de telle substance et telle pathologie. Alors, côté politique, c'est vrai que le vote de la Commission européenne a déjà été rejeté 5 fois, le 15 juin dernier d'ailleurs, 3 sociétés savantes d'endocrinologie européenne exhortaient dans une lettre les pays membres à le faire une 6e fois, ce rejet de classification. Donc, il faut dire que la France n'est pas seule dans le monde. Le Canada, lui, a réduit de 80% sa consommation de néonicotinoïdes. Ils sont bannis aux États-Unis. L'utilisation est réduite au Japon, en Italie. Mais le problème, donc, est qu'avec les néonicotinoïdes et les perturbateurs endocriniens, en fait, la charge de la preuve, si on peut parler ainsi, est à la défense. C'est ce que m'expliquait Jean-Marc Bonmatin, chercheur CNRS et vice-président du groupe d'études sur les pesticides systémiques. Je vais vous donner immédiatement mon sentiment de chercheur. Effectivement, ces néonicotinoïdes ayant des propriétés de perturbation endocrinienne, donc il agit sur la thyroïde, sur les testicules, et il provoque des cancers, et des problèmes neurodéveloppementaux chez l'enfant, etc., etc. Donc on a là toute une série de caractéristiques qui rappellent les perturbateurs endocriniens. Et je ne suis pas étonné qu'il y ait des forces en présence qui veulent redéfinir les perturbateurs endocriniens pour les assouplir. Mais je rappellerai que d'abord, sur ces néonicotinoïdes, comme sur d'autres molécules, ce sont des communautés scientifiques qui se sont mobilisées. Donc là, en l'occurrence, ça a été la communauté des abeilles avec les entomologistes, puis les ornithologues, puisque les oiseaux étaient touchés, et maintenant on trouve les toxicologues et les médecins. Les compagnies phytosanitaires ont commencé par dire « mais non, c'est pas tout toxique pour les abeilles ». Alors la démonstration a été faite, ensuite elles ont dit « mais les abeilles ne sont pas exposées », la démonstration ici a été faite aussi. Il n'y a pas beaucoup de risques finalement qu'en plein champ ça se produise, la démonstration a été faite. Et au niveau de la planète entière, c'est pas que la France qui est visée. Mais si on parle des choses scientifiques, et c'est mon domaine, il y a suffisamment d'argumentation, me semble-t-il, que ce soit en France, en Europe ou même au niveau mondial, pour que des décisions importantes soient prises sur ces sujets. Donc on va traiter d'abord 100% des cultures, alors qu'il n'y a que quelques pourcents de risque d'attaque par les ravageurs. Et qu'il existe de toute façon des alternatives moins dures, au sens chimique, et moins polluantes, qui peuvent être utilisées en première instance, et on peut garder ces pesticides extrêmement toxiques, et extrêmement dangereux, et extrêmement polluants, juste en dernier recours. En bref, Ariane 6, c'est pour 2020. Oui, le projet a été lancé au Salon du Bourget. Ariane 6, c'est la fusée qui doit remplacer Ariane 5, bien sûr, et lutter contre la concurrence de SpaceX et des lanceurs émergents. Là, ce sera un lanceur de 70 mètres en 2 versions pour des satellites moyens, lourds ou des constellations, la grande nouveauté. Il fera 835 tonnes dans sa plus grosse version. Il pourra envoyer jusqu'à 10 tonnes et demie en orbite. Le pas de tir est en construction. Ariane 6 fera son premier vol le 16 juillet 2020. Et déjà, les équipes d'Ariane Group et ses partenaires réfléchissent au lanceur suivant qui, lui, justement, devrait compter une partie réutilisable. Et les dégoûtants petits mégots de cigarettes qui sentent mauvais et qui polluent, eh bien, ça pourrait servir aux oiseaux. Eh oui, ce sont les bouvreuils des villes, une espèce de passereau assez commune et qui utilise la fibre des mégots de cigarettes dans leur nid. En fait, c'est surtout la nicotine et quelques produits connexes dont les chercheurs mexicains de l'étude se doutaient déjà qu'elles pouvaient avoir des capacités répulsives contre les parasites, notamment les tiques. La preuve, donc, a été faite avec une expérience qui a consisté à garnir plus ou moins de tiques les nids d'oiseaux. Le résultat de la fibre de mégots partout dans les nids infestés, aucun dans les nids qui n'étaient pas garnis de tiques. Et plus encore, en fait, les chercheurs ont remarqué des fibres 40% plus lourdes quand le nid contient des tiques vivantes plutôt que des tiques mortes. Ce qui veut dire que non seulement les oiseaux sélectionnent les mégots, bien sûr, mais en plus, ils savent doser leur désinfection. Et le deuxième sujet cette semaine, c'est la Chine qui a réussi le plus long envoi d'informations quantiques par satellite. Et oui, 1200 km du satellite jusqu'aux 2 stations sur la Terre. C'est la plus longue expérience de physique quantique à longue distance, donc jamais réalisée, qui dément une fois de plus les critiques d'Einstein envers cette théorie. Le principe était de vérifier le phénomène qu'on appelle d'intrication, cette propriété des couples de particules quantiques d'effectuer ce qu'Einstein appelait des spooky actions, actions fantômes, c'est-à-dire d'interagir instantanément sans se toucher lorsque l'une est modifiée à distance. C'est vraiment étonnant. Cette propriété doit permettre ainsi de créer des messages indécryptables, car si on les touche, on les altère tout simplement. L'expérience avait déjà été tentée sur Terre. Cette fois, les chercheurs chinois ont utilisé un satellite, donc MOZI, lancé en 2016. C'est lui donc qui produisait les émissions de photons intriqués. L'un des deux photons restait dans l'eau dans le satellite quand l'autre était envoyé sur Terre pour vérifier justement les capacités de communication du système. En fait, à terme, c'est une vingtaine de satellites qui est prévue. Écoutez un des chercheurs, Shaoyang Lu, de l'université de Hefei. En ce qui concerne les sciences fondamentales, vous savez que l'intrication quantique a été reconnue comme le phénomène le plus étrange de la mécanique quantique. C'était ce qu'Albert Einstein appelait il y a 80 ans une action fantôme à distance. D'autre part, l'intrication, et surtout depuis ces 30 dernières années, est étudiée comme un moyen très important d'effectuer certaines tâches. Par exemple, la communication quantique, la cryptographie, l'informatique et la téléportation quantique. Pour notre travail sur la communication, la particularité, c'est que nous utilisons des photons uniques et que toutes les précédentes expériences du genre par fibre optique n'avaient pu qu'à peine dépasser la centaine de kilomètres sans perdre l'information. Mais avec le satellite quantique, nous avons pu tirer parti du vide de l'espace. Il y avait un certain nombre de problèmes à résoudre. L'un des plus difficiles était de pointer précisément nos instruments vers l'émetteur du satellite, situé à plus de 1000 km. C'est comme si vous deviez voir avec vos yeux un cheveu humain à une distance de 300 mètres. Mais maintenant, nous avons mis en place le plus grand laboratoire quantique au monde qu'on peut utiliser sur plus d'un million de kilomètres carrés. Et c'est la base pour un réseau de communication quantique. En bref, 25% de la hausse du niveau des océans serait due au réchauffement du Groenland, Xavier. Et oui, 25% depuis 1993, avec une hausse qui est aujourd'hui deux fois plus rapide. Ce sont les conclusions d'une étude internationale de l'université de Qingdao, là aussi en Chine. Étude qui, pour la première fois, combine deux méthodes de mesure du niveau des eaux. L'une qui se fait à partir du sol, on regarde la dilatation de l'eau en fonction de la chaleur et puis le dégagement des eaux et glaciers vers les mers. Et l'autre se fait à partir de l'espace, c'est la distance simplement entre le satellite et l'océan, ce qu'on appelle l'altimétrie satellitaire. Et bien c'est cette distance qui a été principalement revue pour la première décennie. Et toujours dans les océans, le climat serait responsable d'une extinction marine de masse de la faune, donc maritime, mais au Pléistocène. Et oui, c'était 55% des mammifères marins, 43% des tortues, 35% des oiseaux et 9% des requins. En somme, un tiers de la faune marine qui a disparu il y a 3 à 4 millions d'années, selon une nouvelle étude sur les fossiles par l'université de Zurich. Alors il y avait des pétrels géants, ces grands oiseaux, des pingouins géants qu'on appelait mégadiptès, et bien sûr le mégalodon, l'ancêtre du grand requin blanc, qui se seraient tous retrouvés affamés en fait à cause du changement climatique, puisqu'à cette époque, le niveau des mers baissait et l'habitat côtier où il y avait du plancton et autres nourriture se réduisait. Ainsi, c'est une mégafaune marine plus vulnérable, disent les chercheurs, à l'environnement qu'on ne le pensait. Et pour conclure, comme chaque semaine et pour la dernière fois, par notre rubrique de science improbable, et en cette veille de pause estivale, eh bien il en va, Xavier, des piscines comme des cacahuètes au comptoir. Dans les deux cas, on ingère de l'urine. Et oui, on peut même être empoisonné par les résultats, par les interactions de cette urine avec l'eau de la piscine, puisque c'est le chlore utilisé pour désinfecter les piscines qui serait en cause en réagissant assez méchamment avec cette urine. Ce sont les résultats d'une étude, la sino-australienne, publiée dans Environmental Science and Technology. En fait, le mélange de l'acide urique avec du chlore donne deux composés assez toxiques, hein, la trichloramine et puis le chlorure de cyanogène qui affecte les poumons, le cœur, le système nerveux central. Alors un site américain spécialisé en piscine explique qu'une seule concentration par millionième, une seule partie par millionième suffit à tuer toute algue ou bactérie, mais recommande quand même entre 2 et 4 de ces parties pour les piscines domestiques. Tout le problème donc vient du fait que l'acide urique vient de deux sources, la sueur et les urines. Or, les scientifiques relèvent que 90% de l'eau retrouvée en piscine provient de l'urine. Les États-Unis qui aiment ce genre d'études révélaient qu'en 2012, un cinquième des personnes qui utilisaient une piscine s'étaient déjà soulagées en piscine. En mars dernier, des chercheurs canadiens eux montraient jusqu'à 75 litres d'urine par piscine publique. Sur ce, je vous souhaite bonnes vacances. Bonnes vacances à vous, Xavier, et attention à pas trop abuser des cacahuètes non plus. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Robert Charles Wilson est donc notre invité en duplex depuis les locaux de la CBC à Toronto. Son roman La Cité du Futur vient d'être traduit en français aux éditions de Noël dans l'excellente collection Lune d'encre. Dans La Cité du Futur, vous revenez à l'un des thèmes qui traverse votre œuvre, le voyage temporel. Alors l'action se déroule à la fin du 19e siècle. Un passage temporel est ouvert pour une période de quelques années et des visiteurs du futur ont construit une immense cité futurity qui permet à la fois aux visiteurs du passé de venir de venir visiter le passé, qui permet à la fois aux visiteurs du futur de venir visiter le passé, mais aussi aux autochtones américains de venir goûter un aperçu de leur futur. Évidemment, à essayer de se côtoyer sans trop se mélanger, tout ne finira par se passer pas tout à fait comme prévu. Quel est le point de départ de ce roman ? The novel began, I think, with I have been doing a great deal of reading about. Ça a commencé de la façon suivante. Je me suis beaucoup renseigné sur le 19e siècle en Amérique. I had delved into that territory before ce territoire, when I wrote je my le novel, connaissais Julian Comstock. Lors d'un précédent roman. And it seemed to me that, et il m'est apparu there were obvious parallels qu'il y avait between des parallèles the America évidents of 1877 entre l'Amérique de 1877 et l'Amérique de 2016-2017. It was a time when en effet, American politics à was cette in turmoil, époque, la politique américaine était en plein bouleversement. Violence breaking out, il y avait de la violence, de la violence sociale, de la violence raciale. It was a time that was essentially c'était a mirror une of our own in so many ways. Époque it was a, tout à fait comparable à la nôtre, à bien des égards. It was what they called then a gilded age, c'était une époque très contrastée où il y avait à la fois de grandes richesses mais aussi une très grande pauvreté. I thought it would be fascinating to put those two periods in time. Je me suis dit que ce serait très intéressant d'établir un parallèle entre ces deux époques pour qu'elles se parlent l'une l'autre, qu'elles puissent se regarder. Et c'est ça, le cœur du roman. C'est donc ça, le point de départ. Et c'était tout à fait intéressant pour moi d'écrire sur ce thème. Ça n'est pas la première fois que vous traitez le voyage dans le temps. Ça fait partie des thèmes récurrents dans votre œuvre. Il en est question dans À travers temps, A Bridge of Years, dans Les Chronolithes. Quel est l'aspect du voyage dans le temps qui vous intéresse que vous vouliez continuer à développer dans La Cité du Futur? I had written The Chronoliths, which is in some ways a more traditional time travel story in vous the sense dit, that les Chronolithes, c'était également un voyage dans le temps. Paradoxes, ça traite des paradoxes inévitables du voyage dans le temps. Idée répandue en science-fiction. Si l'on peut aller dans le passé, on pourra transformer le présent. When I wrote last year, I was trying en rédigeant La Cité du Futur, j'essayais d'éviter la question du paradoxe temporel. Je ne voulais pas que ces personnages se posent la question de savoir comment leurs actions du passé pourraient avoir une incidence dans le présent. Je voulais qu'il y ait un voyage dans le temps sans paradoxe. Je voulais qu'il y ait une logique scientifique là-dedans qui me permettrait d'éviter donc les thèmes habituels où les voyageurs temporels doivent faire semblant qu'ils font partie de l'ère qu'ils visitent, qu'ils ne donnent pas de l'information sur eux quant à évidemment l'avenir des gens qu'ils côtoient. Je voulais un récit où les voyageurs étaient à visage découvert. On sait qui ils sont. Et ils sont engagés dans un type de commerce. C'est exactement ça le récit que je voulais. Mais le futur qui intervient dans ce passé, les habitants de cette tour de Futurity, les voyageurs du futur qui voyagent dans le passé, ce futur, il est très très proche de nous. La technologie est à peu près la nôtre. Finalement, cette cité du futur, c'est un roman historique, carrément sur notre présent. On est presque dans l'excuse de la science-fiction avec cette histoire de voyage temporel, alors qu'en fait, on est dans un roman qui est mi-historique, mi-contemporain. Well, it speaks to the question of how we would la question how we would est really de savoir look at comment the past if we can visit it and how the past would regard us. Verrait le passé si on pouvait s'y rendre et comment les gens du passé nous verraient nous. Donc on a tendance soit à banaliser le passé soit à le rendre tout à fait romantique. My visitors from the present, mes visiteurs du présent se rendent dans le passé comme s'il s'agissait d'un pays du tiers-monde, en quelque sorte, où ils pourraient exploiter la main-d'œuvre, vendre des choses, et tout en bénéficiant d'un luxe dans un grand hôtel, par exemple. Je voulais aller à l'encontre de cette idée que le passé était formidable, ou quelque chose qui n'a rien à nous communiquer ou à partager avec nous. Mais en même temps, je voulais que les gens de 1877 se penchent sur notre époque et réagissent par rapport à cela. C'est ce qu'ils font, et ils sont évidemment émerveillés, un peu effrayés par notre technologie, mais ils sont parfois consternés, totalement affligés par l'évolution sociale qu'a connue la planète du point de vue racial, du point de vue des vies de couple ou des interactions entre les hommes d'une façon générale. C'est une vision assez pessimiste ou assez sombre, en tout cas, d'imaginer que le futur de notre passé est en fait de devenir une sorte de parc d'attraction d'endroit, comme vous le disiez, hein, du tiers-monde que des visiteurs, que des touristes riches peuvent se permettre d'aller visiter. Non, je ne dirais pas que c'est un point de vue sombre ou pessimiste. I think it challenges the idea à mon avis, cela questionne la notion de progrès sans pour autant la battre en brèche. Part of the point of the novel is that l'un des objectifs de ce roman, c'est de démontrer que si le progrès existe, eh bien, l'avenir pourra toujours nous permettre d'avoir une critique envers le passé. C'est ce que nous faisons d'ailleurs, parce qu'il y a des tas de crimes qui ont été perpétrés dans le passé qui ne le sont plus aujourd'hui. Mais si on accepte cette notion de progrès, eh bien, le corollaire, c'est que nous ne sommes pas parfaits et nous avons beaucoup de choses à apprendre. Et nos descendants auront pour nous dédain et un peu de mépris. Alors, je crois que c'est un fait établi. Je voulais aller contre cette idée que le progrès technologique et moral que l'on mène sans avoir à vraiment se pencher sur ses tenants et aboutissants, ce n'est pas forcément bien. Et l'avenir, même s'il est meilleur que le présent, sera confortable. Et je voulais poser cette question-là. Peut-être que l'avenir sera meilleur, mais peut-être que ce sera une époque qui sera moins bonne que le présent. Il est difficile, parce que vous l'avez écrit il y a quelques années, il est difficile de ne pas rapprocher la Cité du Futur avec la récente série Westworld de HBO, où de la même façon, ce futur américain est un peu mythifié, se transforme en parc d'attractions. Vous avez vu la série, vous appréciez ce parallélisme entre les deux œuvres ? Mon roman est sorti avant la série à la télévision. But I've been watching it with great interest. Cela dit, je suis cette série avec beaucoup d'intérêt. I think it addresses utterly different questions. Les questions abordées sont complètement différentes. Westworld is very much asking questions about robotics and artificial intelligence, sur la robotique, l'intelligence artificielle et la création de l'homme. Voilà les grandes questions posées dans la série. Moi, les questions que je pose dans La Cité du Futur ne sont pas celles-là. Il y a cet autre élément central qu'on retrouve tout au long de votre œuvre, qui est celle de l'insertion. J'ai lu qu'on parlait même de stratégie de l'escamotage, c'est-à-dire de l'irruption ou de la soustraction brutale d'un élément à un paysage connu. C'est ce qu'on retrouve dans Darwinia, dans Spin. C'est un ressort scénaristique, un ressort fictionnel important pour vous, cette irruption brutale d'une forme de réalité autre dans un environnement a priori stable, et qui va être totalement déstabilisé par cet escamotage. Oui, cette description que vous faites de ce thème, de cet élément clé, est tout à fait juste. Ça se retrouve en effet dans Spin, par exemple. L'éruption de l'étrange dans le quotidien, c'est un des grands plaisirs de la science-fiction, à mes yeux. It's C'est un peu une espèce de double conscience. On est conscient de ce qui est familier, de ce que l'on croise au quotidien, le monde tel qu'on le voit et tel qu'on s'attend à le voir. Mais en même temps, il y a la connaissance du fait que nous faisons partie d'un univers immense, univers dont nous comprenons très peu de choses. Et cela nous rappelle le fait que le changement est inévitable. Et les choses que nous considérons comme stables, la planète, le système solaire, eh bien, tout cela, ça pourrait changer, car tout cela, c'est vivant. Ce n'est pas immuable. Moi, j'adore la façon dont la science-fiction met en parallèle ces deux types de connaissances, ces deux consciences, et les oblige à communiquer. Il y a le quotidien, mais il y a aussi l'infini, l'infini spatial et l'infini temporel. Pourquoi être revenu encore gratter, explorer ces facettes du voyage temporel? Qu'est-ce qui, dans votre imaginaire, vous ramène, il y a voyage à travers temps, spin de cette façon, à ces jeux entre présent, futur et passé, à cette distorsion du continuum espace-temps, Robert Charles Wilson? C'est de ça qu'il s'agit avec la science-fiction. La science-fiction nous rappelle que le monde était différent dans le passé. La science-fiction nous dit que le monde de maintenant aurait pu être différent. Et la science-fiction nous dit que l'avenir sera différent du présent. Interesting to me. Et moi, je trouve cela immensément intéressant. C'est un sujet d'étude extraordinaire par le truchement de la fiction. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous passons l'heure en compagnie de Robert Charles Wilson, qui est notre invité pour ce dernier numéro de la saison de la méthode scientifique. Robert Charles Wilson, qui est en duplex depuis les studios de nos confrères de la radio CBC à Toronto. Alors, puisque l'émission s'appelle la méthode scientifique, Robert Charles Wilson, quel est votre rapport aux sciences, hein? Vous m'aviez dit lors de notre précédente rencontre que vous étiez un lecteur fervent de la littérature de vulgarisation. Est-ce que la science continue de nourrir votre imaginaire? Well, I've always been interested in science. La science m'a toujours intéressé. Un de mes premiers souvenirs, qui remonte à l'âge de 6 ou 7 ans, peut-être 8 ans, allez. Et c'est le souvenir suivant. Mes parents prenaient la voiture pour aller de Californie jusqu'en Pennsylvanie. On traversait les déserts du sud-ouest américain. Et même enfant, je savais que ces déserts avaient été des océans. C'était des zones qui avaient été des zones océaniques. Évidemment, on était dans des déserts très étranges, mais c'était justement parce que cela avait été des océans. Cela me fascinait quand j'étais enfant. C'est donc de là que naît mon intérêt pour la science. Et cet intérêt perdure encore aujourd'hui dans mon esprit. Je ne pourrais pas travailler dans la science moi-même. J'ai du mal avec les chiffres, personnellement, voilà. Mais pour autant, la science, c'est un sujet qui m'intéresse dans mes lectures et évidemment dans mon écriture. C'est le même attrait esthétique qui est à l'œuvre. On est sans cesse rappelé que le petit monde que nous vivons au quotidien n'est qu'un tout petit fragment de l'immense univers. Donc déjà, un lien fondateur entre le passé, un passé qui nous échappe, et un présent, et puis, j'imagine, une terre en devenir, tout ça dans une conception très cosmologique, finalement. Oui, on peut dire ça, tout à fait, cosmologique. Est-ce qu'il y a un domaine scientifique aujourd'hui que vous suivez plus attentivement, qui vous passionne plus que les autres? Je suis abonné à plusieurs magazines scientifiques et je dois dire que je suis particulièrement intéressé par les sujets cosmologiques. Il y a l'astronomie et je dois dire qu'au fil des années de ma vie, beaucoup de découvertes ont été faites et c'est tout à fait fascinant de voir les progrès de l'astronomie. Mars était un mystère à l'époque où je suis né. On ne savait rien sur Mars. Alors, évidemment, c'était formidable pour les auteurs de SF que de se pencher sur la question de Mars. Mais au cours de ma vie, Mars est passé du statut de mystère au statut de lieu. On connaît son atmosphère, on connaît la température, on a des photos très détaillées de Mars, et je dois dire que cette aventure scientifique a été formidable au cours des dernières années. Et nous en savons de plus en plus sur le reste du système solaire, d'ailleurs. Et pour mon travail, c'est une grande source d'inspiration. Est-ce que récemment, il y a une actualité spatiale qui vous a intéressé plus que d'autres ? Est-ce que vous êtes très intéressé quand l'astrophysique devient extrêmement théorique, à la physique fondamentale, ou plutôt aux confins du système solaire, à quelque chose dans lequel notre imaginaire a plus de facilité à se projeter, Robert Charles Wilson ? À vrai dire, moi, je ne m'intéresse que très peu aux détails techniques, aux détails scientifiques. La science répond à différentes fonctions pour moi. La science-fiction peut aborder une question scientifique, par exemple, comment ce serait de vivre sur la Lune. Ou alors, la science-fiction peut utiliser cette idée pour étudier, disons, les structures sociales qui pourraient émerger dans le cadre d'une colonie sur la Lune, par exemple. Moi, la science, je l'exploite avec tout ce que j'ai d'imagination. Il y a le voyage temporel, évidemment, mais j'emprunte des concepts scientifiques, mais aussi le langage scientifique pour concevoir un voyage temporel qui est assis dans une légitimité scientifique. Donc, j'essaye d'être rigoureux sur le plan scientifique. Parfois, je prends des libertés. Ça peut varier. Et pourtant, par exemple, quand on pense à un autre thème qui est récurrent dans vos romans, celui de l'intelligence extraterrestre, on voit qu'il y a un souci particulier dans la trilogie Spin, bien sûr, dans Burning Paradise aussi, ou dans d'autres romans, penser différemment, c'est-à-dire à casser une sorte de représentation classique anthropomorphique du martien avec une tête, deux bras et deux jambes, des représentations classiques qu'on a, mais vraiment d'avoir une sorte de pensée scientiste de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'elle est née, cette intelligence ? Est-ce qu'elle s'est inspirée précisément de vos lectures scientifiques ? La question que je pose, c'est celle du destin de l'envoi de notre espèce dans l'espace. Nous, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas très bien adaptés au voyage interstellaire, par exemple. C'est évident. Notre vie est trop brève, nous sommes trop fragiles, il nous faudrait des moyens mécaniques énormes. Si nous avons créé notre intelligence artificielle pour faire durer notre humanité et à créer d'autres éléments, et bien ces éléments-là seront bien plus adaptés, mieux armés pour ce voyage dans l'espace. Donc, si d'autres espèces intelligentes ont déjà franchi cette étape, ce ne seront pas des androïdes que nous allons rencontrer dans l'espace. Au contraire, ce seront des entités cybernétiques. Peut-être que ces êtres seront grands, ou alors immenses, ou alors microscopiques. Peut-être qu'ils se déplaceront seuls, ou alors en essaim. Mais les extraterrestres que nous rencontrons et notre avenir post-terrestre, ni l'un ni l'autre ne ressemblera à la vie que nous menons à l'heure actuelle. Mais vous êtes d'accord pour dire que cette conception-là, elle est très inspirée précisément des progrès de l'astrophysique moderne, qu'elle est très scientiste ? On tient compte des limites de la nature physique des choses. On tient compte des distances immenses qui séparent les étoiles et des difficultés immenses qu'il y a à voyager d'une étoile à l'autre. Mais tout cela, c'est de la spéculation, évidemment. Moi, je ne suis ni prophète ni scientifique, je suis auteur de science-fiction, c'est tout. Donc cette possibilité, je l'ai trouvée tout à fait attrayante et je me suis penché là-dessus pour mes récits. Ce qui est intéressant, et je vais vous donner, je me permets pour une fois, je le fais rarement, mon point de vue, puisque je suis un grand amateur de vos romans, que vous placez les humains finalement comme une goutte d'eau dans l'univers, des humains qui sont face à des, complètement dépassés face à ces entités qui sont construites à l'échelle cosmologique. Et je trouve que finalement il y a quelque chose d'assez Lovecraftien là-dedans, hein, l'humain abandonné face à des entités extraterrestres à l'échelle cosmologique et complètement dépassé et qui sont finalement un grain de sable dans l'histoire immense de l'ensemble de l'univers. Qu'en pensez-vous ? Cette vision, j'essaye d'en explorer le côté sombre de temps en temps. D'ailleurs, dans mon recueil de nouvelles, Perseus, j'essaye délibérément de me pencher sur le côté sombre de la vision cosmologique. Mais il m'est toujours apparu qu'il y a deux facettes à cela. On dit que lorsque Edwin Hubble, donc lorsque un immense télescope a été conçu et créé dans les années 40 aux États-Unis, donc Hubble en était responsable, et on faisait venir des célébrités pour jeter un œil dans le télescope. Et il y a une anecdote. On dit qu'il y a une célébrité qui regarde dans le télescope et qui se tourne vers Hubble et dit « Comment vous pouvez supporter ça ? Comment pouvez-vous regarder l'immensité de l'univers et penser à quel point vous, vous êtes insignifiant ? Comment est-ce supportable jour après jour ? N'est-ce pas terrifiant ?» Donc on ne connaît pas la réponse de Hubble, on connaissait la question, c'est tout, dans cette anecdote. Mais moi, il m'apparaît que l'on peut voir cela de deux façons. C'est en effet une vision terrifiante de notre fragilité, de notre vulnérabilité face à l'immensité et le caractère insondable de l'univers. Ou alors, c'est un témoignage du fait que nous sommes quand même des animaux étonnants parce que nous pouvons bâtir un télescope nous permettant de saisir l'immensité de l'univers. Et cela diminue un petit peu notre nature éphémère sur Terre. Cette connaissance que nous avons et que nous avons su acquérir n'est pas forcément terrifiante. Le fait de pouvoir l'acquérir, cela constitue l'un des éléments les plus étonnants et vraisemblablement l'un des plus nobles de l'espèce humaine. Est-ce que vous ne pensez pas, Robert Charles Wilson, qu'en cette époque d'extrême spécialisation des sciences, de plus en plus, d'une connaissance de plus en plus grande, de plus en plus vaste, de la structure de l'univers, de l'extrême technicisation des sciences, eh bien, il est de plus en plus complexe pour un écrivain de science-fiction de trouver une place dans cet univers scientifique au maillage de plus en plus resserré? Yes, it can be. Oui, il y a un défi, vous avez raison de le dire. D'ailleurs, il y a certains sujets qui sont épuisés, alors nous parlons. Mais quand on est auteur de science-fiction, on a de la chance, parce que la science est sans arrêt en train de se renouveler. Dans mon dernier roman, pas encore paru, je travaille sur le thème que nous sommes entrés dans une époque où il est désormais possible pour l'homme de se concevoir lui-même de manière artificielle. Nous pouvons créer des êtres nous ressemblant ou qui sont même identiques à nous et nous pouvons le faire collectivement. Et cette technologie, malheureusement, nous n'avons pas les moyens mentaux ou spirituels d'y faire face. C'est très difficile de savoir dès maintenant comment nous allons faire face à ça. Évidemment, il y a des risques énormes entre le bien et le mal. Il faut qu'on trouve un bon équilibre et ça, ça va être très difficile. Alors, c'est particulièrement troublant, cette perspective. Pour l'espèce humaine, néanmoins, c'est un domaine fascinant pour un auteur de science-fiction. Vous disiez à l'instant, Robert Charles Wilson, qu'il y a des sujets que la science a épuisés. Lesquels, par exemple ? The question of La question de la colonisation de Mars est encore une question d'actualité. Et on peut encore écrire des ouvrages de science-fiction là-dessus, mais ce n'est pas une idée révolutionnaire, ça n'a rien de nouveau. Si l'on écrit sur ce sujet, il faut être conscient de tous les ouvrages de science-fiction existants sur ce sujet. On passe de la guerre des mondes, comme on pourrait être une planète de martiens, on passe à Arthur C. Clarke, Les Sables de Mars. On est dans la connaissance de Mars de l'époque. La colonisation de Mars en 2017, c'est moins de la science-fiction que de la fiction spéculative contemporaine. Vous vous déclariez dans une interview précédente, je vois la science-fiction comme une sorte de réalisme littéraire. Est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, il est impossible de ne pas être ancré dans la réalité scientifique pour pouvoir écrire de la science-fiction ? Well, of course it is. People can do all kinds of things with science fiction. C'est vrai que la science-fiction permet de nombreuses choses. On peut écrire ses fantasmes, on peut faire travailler son imaginaire, on peut prendre des libertés. Les auteurs de science-fiction prennent des libertés avec la science de bien des façons et pour bien des raisons. Parfois, si on veut une écriture réaliste, on peut inventer un moyen de voyager dans l'espace temps de manière totalement imaginaire. Il y a des auteurs de science-fiction qui approchent la science comme ils le veulent. Alors, on peut le faire avec rigueur, on peut le faire de manière très imaginative. There's any number of ways of doing it, and I don't have a prescription. Et moi, je n'ai pas de recommandation à formuler quant à la façon dont il faut faire de la science-fiction. Chaque auteur de science-fiction fait exactement comme bon lui semble. Et même au sein d'une carrière, on peut évoluer. Nous avons beaucoup de liberté là-dessus. Moi, j'ai pas de dogme sur la rigueur scientifique nécessaire à l'écriture de la science-fiction. Robert Charles Wilson est notre invité pour ce dernier numéro de La Méthode Scientifique. On vous retrouve dans un instant. Don't you cry, my baby never dies. Oh baby, don't you cry, the king's gonna dry. My name is so famous upon the surface of the earth, but my book you'll never read, for the rhythm you play within. In another world I'm the servant of another master plans. In my dreams I am the king, my will lays into my ink. Robert Charles Wilson est donc notre invité en duplex depuis les locaux de la CBC à Toronto. Son roman La Cité du Futur vient d'être traduit en français aux éditions de Noël dans l'excellente collection Lune d'encre. On va revenir un peu sur l'ensemble de votre carrière de romancier, Robert Charles Wilson. J'aimerais vous poser une question. Vous avez déclaré que votre imaginaire d'écrivain, d'auteur, de romancier, de science-fiction s'est forgé en regardant des films de monstres, des vieux films de série Z. Est-ce qu'il y a une image fondatrice pour vous ? Dans cet entretien, je parlais de mon enfance en Californie. The paradox that Quand je regardais la télévision, il y avait un paradoxe. Films et les émissions de l'époque étaient très très éloignées de la période actuelle. Ça se passait à New York ou à Paris ou lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais moi, je vivais dans un paysage en pleine transformation en Californie, et c'était très désertique, c'était une terre très aride. Et c'est ça le monde qui m'était familier quand j'étais enfant. Mais lorsque j'en ai vu la réflexion à la télévision, ce n'était que dans les séries Z, comme vous dites, ces films de monstres qui étaient tournés pas loin de chez moi d'ailleurs. Donc c'était un paradoxe. Moi, mon monde, je le voyais plus fidèlement reproduit dans les films de monstres que dans les autres films. Le meilleur exemple, c'est Them. Vous avez cité hein, vos livres fondateurs, Ginger Pie, Le Pays d'Octobre de Ray Bradbury ou Moby Dick de Melville. Mais si vous deviez choisir un livre fondateur en science-fiction, est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué plus que d'autres et qui a été peut-être à l'origine d'une envie, d'une vocation ou du développement d'un imaginaire ? I thought I heard in the question a reference to the Ellen Orestes book Ginger Pie. Yes, yeah. Ginger Pie. Yes, sorry, I didn't mention that. That was interestingly, that was one of the books I discovered when I was Ginger Pie, when I was very young. When c'est I was first l'un des learning, livres que j'ai découvert when I was first learning to read. Quand j'apprenais à lire. And the reason I love that book and other books by Ellen Orestes, ce livre et d'autres livres d'Ellen Orestes m'ont vraiment frappé parce que il y avait là les petits moments de l'enfance qui étaient décrits de façon très saisissante. Ça se passe dans une petite bourgade du Connecticut, mais ces livres sont pleins de lumière du jour, de lumière de la lune, de rues l'après-midi, de conversations anodine, très évocateur des petits moments de la vie. Ainsi, quand je me suis plongé pour la première fois dans Ray Bradbury, ce qui m'a fasciné et ce que j'adorais chez cet auteur, c'est qu'il arrivait à combiner le point de vue de science-fiction, c'est-à-dire l'aspect intellectuel, la dimension spatio-temporelle de la science-fiction, avec les détails du quotidien si magnifiquement observés et que nous vivons tous. Il a réussi à associer tout cela et je dois dire que ça a provoqué en moi une espèce d'addiction à la lecture d'ouvrages de science-fiction. Aujourd'hui, adulte, c'est plus difficile de lire Ray Bradbury. Ray Bradbury, c'est un poète remarquable pour des jeunes de 13 ans. Et je ne suis pas du tout condescendant envers les jeunes lecteurs. Mais Ray Bradbury, il s'adresse à eux de manière tout à fait formidable. Il choisit parfaitement bien les mots et les jeunes de 13 ans peuvent s'y retrouver, à mon avis, magnifiquement bien. Et bien des lecteurs ont connu Ray Bradbury à cet âge-là. Donc voilà, c'est ça un peu mon épanouissement littéraire, si vous voulez. Mais est-ce que vous avez fréquenté les grands auteurs de science-fiction, c'est un passage obligé ou est-ce que vous les avez fréquentés tardivement? Je me suis plongé dans la science-fiction très rapidement. J'ai commencé à lire de la science-fiction pour enfants. Mais ça ne m'a pas vraiment comblé. Puis je me suis lancé dans la science-fiction des grands auteurs. I don't know how it works in France, but when I was growing up, the libraries, public libraries, were divided into the adult section. Les bibliothèques étaient divisées entre deux parties, la partie pour les adultes et la partie pour les enfants. Je ne sais pas si c'est comme ça en France. Et pour aller chez les adultes, il fallait avoir 13 ou 14 ans quand on allait à la bibliothèque. Et le grand jour est arrivé pour moi quand on m'a donné ma carte de lecteur adulte. Et je n'avais plus besoin de demander à mes parents d'emprunter des livres chez les adultes pour moi. Le Sacré Graal, dont j'étais en quête, c'était la trilogie d'Asimov, Isaac Asimov, et là, évidemment, c'était chez les adultes. Et pour moi, c'était le Graal. Je le regardais de loin, et il était hors de ma portée, et il fallait absolument que je le lise. Et le moment est arrivé et j'ai pu le lire. Comment se passe aujourd'hui votre travail d'écriture, Robert Charles Wilson? Quel est le point de départ d'un roman? Vous avez publié de façon très très régulière au cours de ces 20 dernières années. Comment naît un roman? Est-ce qu'un roman naît d'un autre? Est-ce que plusieurs idées germent en même temps? Racontez-nous ces points de départ. J'ai pas l'impression que je publie autant que ça, à vrai dire. Tout de même. C'est un processus assez lent, l'écriture, chez moi. Les idées, je n'ai pas du mal, j'ai pas beaucoup de mal à les trouver. Évidemment, je tâtonne. Les idées, je les saisis, j'essaye de les rassembler pour en faire un roman. Et c'est un processus lent, je vous l'ai dit, c'est pas facile. Parfois j'écris vite, d'autres fois j'écris lentement. J'essaie d'écrire chaque jour, mais plus je vieillis, plus c'est difficile. Mais quoi qu'il en soit, j'arrive à écrire de manière assez régulière. J'ai plusieurs projets en cours et j'ai un roman sur lequel je travaille et j'ai par ailleurs une idée qui me travaille pour l'instant et je vais y venir. Mon processus n'a rien d'inhabituel. Hein. C'est assez banal pour un écrivain. Il s'agit tout simplement d'être écrivain. Et évidemment, je suis toujours frustré. Chaque jour, à la fin de la journée, je me dis que je n'ai pas assez travaillé. Quelqu'un m'a dit qu'un écrivain, c'était quelqu'un qui n'avait toujours pas fini ses devoirs pour le lendemain. C'est un peu comme ça. Hein, on est l'écolier qui n'a pas fini ses devoirs pour le lendemain quand on est écrivain. Et pourtant, ça fait 30 ans que je me livre à cette tâche de manière professionnelle. Est-ce que quand cette idée a germé, vous travaillez de façon méthodique, vous travaillez sur un plan avec des fiches de personnages, avec un mur avec vous autour de vous pour faire des liens, ou est-ce que au contraire, vous travaillez plus au fil de la plume? Comment vous travaillez la documentation, par exemple? Il me faut un plan, oui. Il faut que je connaisse la voie dans laquelle je vais m'engager pour le récit. Généralement, je dois rédiger un plan sommaire, si ce n'est que pour le soumettre à mes éditeurs. Mais tout cela, c'est fluide. Tous les écrivains vous diront que les choses peuvent évoluer. Les personnages veulent mener leur propre vie. Quoi que vous en pensiez, vous, l'écrivain, au bout de trois quarts du récit, il peut survenir des choses que vous n'aviez pas prévues. Tout cela, c'est très banal pour le travail d'un écrivain. Donc, vous avez, on ne va pas revenir sur l'intégralité de votre bibliographie. Spin est indiscutablement un point central, un pivot. Vous avez obtenu le prix Hugo. Vous l'avez construit comme une trilogie. C'est la seule trilogie de votre œuvre. Hein. Les autres livres sont des stand-alone. Est-ce que ça a été compliqué de se plonger pendant autant d'années dans cet univers, de rebondir, de sortir de Spin, qui, je le rappelle, a gagné le prix Hugo et de nombreux livres, et pour beaucoup devenu instantanément un classique de la science-fiction? À vrai dire, quand on se lance dans l'écriture d'un ouvrage, on ne sait pas à quel point il va être couronné de succès. Si on le savait, ce serait terriblement intimidant. Quand j'écrivais Spin, ce n'était que mon livre qui suivait le précédent. C'est vrai que c'était quand même assez ambitieux. Spin, c'est une œuvre qui a nécessité beaucoup de documentation et beaucoup de planification. Et je dois dire que j'étais à la limite de mes ambitions, là. Mais évidemment, je ne savais pas à quel point ce serait couronné de succès, encore une fois. Alors, écrire le premier volume, c'était une chose, mais je n'avais pas prévu de faire de trilogie, donc l'écriture du deuxième et du troisième volume était plus difficile. En réalité, on peut considérer que Spin, c'est un roman suivi par deux autres. Non, je n'avais aucune idée. Et à vrai dire, le premier volume, c'est celui qui me plaît le plus. Mais néanmoins, à la fin du premier volume, il restait des idées à explorer. C'est pourquoi j'ai fait deux autres volumes. Parlez-nous, dans les quelques minutes qui nous restent, Robert Charles Wilson, parlez-nous de vos projets en cours. Vous avez évoqué l'écriture d'un roman à l'heure actuelle. Quel en est le pitch? Quel en est le sujet? Well, sure. It's called The Cure. Le roman va être intitulé The Cure. Donc, quelqu'un trouve un remède à la schizophrénie. That involves slightly restructuring et il faut the prefrontal cortex restructurer le cortex préfrontal du cerveau humain pour arriver à guérir de la schizophrénie. Mais évidemment, il y a des effets secondaires imprévus. Some quite desirable. Certains de ces effets secondaires sont positifs, kind of d'autres non. Donc, c'est une espèce de modification biologique qu'opère le concepteur de ce remède. And it explores the consequences of that. Et j'étudie les conséquences que tout cela peut avoir. To take the larger view, si on prend une vision plus large de cette problématique, j'essaye de me pencher sur certains problèmes auxquels l'espèce humaine est confrontée au XXIe siècle, notamment notre capacité à nous reconcevoir sur le plan physique et génétique. C'est un livre ardu pour moi. Parce que j'ai des sentiments ambivalents sur cette question. Il y a au cœur du roman une dialectique. À quel moment est-ce acceptable de nous changer radicalement, nous, individus, et nous, espèce humaine? Et je ne suis pas sûr de la réponse à cette question. C'est un défi pour l'écrivain que je suis, parce que je veux me pencher sur cette question avec beaucoup de honnêteté des deux points de vue. D'un certain point de vue, c'est un roman sur quelque chose de terrible qui advient à l'espèce humaine. Mais d'un autre point de vue, c'est quelque chose de merveilleux que connaît l'évolution de l'espèce humaine. Et moi, je n'arrive pas à m'engager ni d'une part ni de l'autre. La science-fiction n'a peut-être jamais été aussi populaire à la télévision. On évoquait Westworld, mais aussi au cinéma. Aujourd'hui, dans la culture populaire, elle a repris une place immense. La littérature, d'ailleurs, ne suit pas forcément. Spin, d'ailleurs, il a été question d'une adaptation par la chaîne Sci-Fi. C'est toujours d'actualité ou c'est un projet qui a été abandonné? L'option a été maintenue pendant quelques années par la chaîne Sci-Fi, mais les gens de Sci-Fi ne s'intéressent plus à ce projet-là. La série n'est plus à l'ordre du jour. Très récemment, il y a des gens qui s'intéressent à faire un autre projet avec Spin. Malheureusement, je ne peux rien vous dévoiler, mais ça pourrait être fort intéressant. Pour conclure, vous êtes sensible, Robert Charles Wilson, justement, à cette popularisation de la science-fiction en tant que genre à la télé, au cinéma, même si elle ne se ressent pas forcément sur la popularité, en tout cas en France, en littérature, parce que la littérature de science-fiction ne fonctionne toujours pas aussi bien qu'elle le devrait en librairie. J'ai commencé à écrire de la science-fiction, ce n'était qu'un objet littéraire. Il y avait très peu de choses ailleurs que dans la littérature. Pour la science-fiction, il fallait se rendre dans les bibliothèques ou dans les librairies. La science-fiction, c'est vrai, est omniprésente désormais. C'est incontournable à la télé, incontournable au cinéma, incontournable sur Netflix ou ailleurs. La littérature n'a plus le monopole de la science-fiction. Et à long terme, je dirais que c'est une bonne chose, bien que j'ai une certaine nostalgie pour ce qu'était la science-fiction uniquement dans le domaine de la littérature. Robert Charles Wilson, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce dernier numéro de La Méthode Scientifique. It was great to be here and thank you for talking to me. Merci, c'était un plaisir pour moi. Merci infiniment. Thank you very much. Voilà, c'était le dernier numéro de La Méthode Scientifique avec Robert Charles Wilson. Je vous rappelle que vous pouvez acheter en librairie, puisque la SF a encore de beaux jours devant elle, en librairie aussi, quoi qu'on en pense, La Cité du Futur, le dernier roman de Robert Charles Wilson aux éditions de Noël dans la collection Lune d'encre, où vous trouverez tous les romans de Robert Charles Wilson qui sont également en format poche, édités au format Folio SF. Merci beaucoup à Xavier Comte pour l'interprétation simultanée, puis vous pouvez retrouver cette émission, cet entretien, ainsi que toutes les autres émissions de la saison sur le site de La Méthode Scientifique sur franceculture.fr. Et mille millions de merci à toute l'extraordinaire équipe, que dis-je, et c'est encore en dessous de la réalité de La Méthode Scientifique, sans qui rien ne serait possible, et qui a forgé à la sueur de son front cette première saison riche et dense, et qui en plus rempile pour la prochaine. Mille merci à vous tous, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Céline Lezenne, Mathieu Lefrançois et Elisabeth Miro à la réalisation. Merci également à Cédric Chatelus qui était aujourd'hui à la technique. Nous ne vous abandonnons pas tout à fait cet été, puisque vous pourrez nous retrouver les samedis et les dimanches matin à partir de la semaine prochaine de 7h à 8h. Et oui, il va falloir mettre le réveil tôt, même pendant les vacances, avec des rediffusions de nos émissions favorites de la saison autour de 4 thèmes, la SF à la plage, Nos Amis les Bêtes, ce sera pour le mois de juillet, et puis La Tête dans les Étoiles et Remue Méninges, ce sera pour le mois d'août. Dans quelques instants, vous retrouvez le magazine de la rédaction. Nous, on se retrouve donc tous les week-ends de l'été, de 7h à 8h le samedi et le dimanche, et puis en direct à 16h, ce sera le lundi 28 août, jusqu'à preuve du contraire.